chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Wahlberg Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Bien fier de, on est bien fier de lui. Le Robert Valois, Samuel Girard, a été repêché par une équipe de la Ligue nationale en deuxième ronde, à peu près ce qu'on s'attendait. Question, évidemment, d'avoir ses commentaires au lendemain de cette journée historique qui va se rappeler pour le restant de ses jours. On lui parle. Salut, Samuel! Samuel, c'est des belles émotions que tu as vécues quand même. D'abord, est-ce que vendredi soir, il y a des gens même qui te voyaient en fin de première ronde, entre autres Greg Button qui est de TSN qui te voyait en fin de première ronde. Et est-ce que tu étais déçu de ne pas avoir été repêché vendredi soir? Ben, écoute, c'est sûr que oui, il y a un petit peu de déception, là, mais je pense qu'on s'attendait pas mal plus que ma journée, ça allait être la samedi. Écoute, mon agent m'a fait une petite idée, puis je l'avais dit avant d'en prendre la première ronde que ça se pouvait, que ça se voyait demain, puis qu'il y a des grandes chances que ça se voit demain. Fait que c'est sûr qu'il y avait une petite déception, mais on s'attendait à ça, on s'attendait que j'allais être repêché la samedi. OK. Donc. Est-ce que les Prédateurs de Nashville étaient une équipe qui te courtisait le plus? J'ai rencontré au Combine, mais à part de ça, je te dirais que non, c'était vraiment une surprise pour moi de me retrouver là. Je m'attendais vraiment pas à être repêché par eux, là. Mais je suis très heureux de faire partie de cette organisation. OK, c'est une bonne organisation. C'est une organisation qui performe bien depuis son entrée dans la Ligue nationale. Tu vas avoir l'occasion certainement de voir Shea Weber comme mentor. Est-ce que sûrement que tu dois pas le regretter non plus? Puis la ville est trépidante de Nashville, il y a du country en masse là. Ouais, écoute, je pense que je vais pas demander mieux là, et si je m'en vais dans une place où ils développent très bien leurs défenseurs. Écoute, ils ont des très bons défenseurs, ils ont chez Weber, Joe aussi, Ellis, ouais. Ils ont des très bons défenseurs qui développent très bien, fait que je pense que c'est bien pour moi, puis comme tu dis, je pense que c'est une très belle ville aussi. Écoute, les partisans là-bas, ils ont de l'air assez intense, c'est le point de quand ils jouent, puis les partisans sont comme ça, donc je pense que c'est une belle place. Samuel, je peux pas m'empêcher de parler du Canadien. Trevor Timmons, dans les journaux, il a dit ouvertement qu'il est très déçu de ne pas avoir eu la chance d'être pêché. Évidemment, la transaction avec Andrew Shaw a fait en sorte que Marc Bergevin a dû céder ses deux choix de deuxième ronde. Honnêtement, là, pour toi, c'est peut-être la meilleure place, Nashville. Parce que de la manière qu'ils développent le défenseur, la pression d'un Québécois de jouer à Montréal, toi, ça t'aurait-tu fait peur? Non, je pense pas. Écoute, même si le Canadien m'aurait repêché tout de même, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Puis je serais été prêt pour jouer avec eux. Mais tu sais, écoute, je pense que si. Les Prédateurs m'ont repêché parce qu'ils aimaient mon type de jeu et qu'ils aimaient comment je jouais. Fait que ça, je vais arriver là-bas au camp et je vais être prêt à jouer avec eux. Puis je vais jouer mon type de jeu. C'est quoi la suite des choses pour Samuel Girard à compter de maintenant? Là? Demain, tu pars au Nashville. Est-ce qu'il y a un camp de recrues un petit peu à l'image du Canadien où que les recrues vont à une espèce de camp d'entraînement d'été? C'est-tu un petit peu que... Ouais. Ouais, exactement. En fond, là, c'est là, je pars présentement, je suis à l'aéroport, là, à Rochester. Fait que je vais prendre un vol là, jusqu'à Nashville, puis je vais faire le camp des recrues jusqu'à samedi prochain. Après, si je reviens, puis je vais être tranquille pendant un bout. Là. Je vais juste avoir le camp des moins de 20 ans au Canada, là, à fin juillet, début août. Ouais. Fait que je pense qu'après ce camp-là, là, tu sais, je vais laisser tomber les émotions puis le stress aussi. Fait que je vais arriver après. Pour mes camps. Okay. Qu'est-ce qu'on t'a dit lorsque les Preds t'ont repêché? Est-ce qu'on t'a dit quand t'avais vraiment dans ta soupe? Comment qu'on voit les plans d'avenir de Samuel Girard avec les Prédateurs? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-dessus? Ben écoute, ils m'ont pas vraiment dit grand-chose par rapport à l'avenir, là, mais tu sais, le recteur du Québec, là, Jean-Philippe, là, il m'a dit que que lui, il me voyait pas là, puis genre, il pensait jamais que j'allais être libre encore au 47e rang, fait qu'il était très heureux de m'obtenir, puis lui, ben, c'est ça qu'il me disait, qu'il venait de Trois-Rivières, puis il m'avait vu beaucoup jouer cette année à Shawinigan, puis il aimait comment je jouais, fait que je pense qu'il m'a fait de confiance, puis okay. Si on compare avec le repêchage de la Légion du Québec, il y a 2 ans, est-ce que pour un jeune, c'est encore, ben c'est sûr c'est la Ligue nationale, c'est une question un petit peu simple, mais c'est-tu un peu comparable un petit peu pour un jeune? Ben je te dirais que c'est quand même plus stressant. Ouais, ok. Puis, j'ai été stressé aussi au combine junior majeur, mais tu sais, écoute, c'est quand même la Ligue nationale, mais tu sais, je pense que j'ai été un petit peu moins stressé que dans le junior, je comprends pas pourquoi, okay. Mais je pense que j'ai géré mieux mon stress, puis j'ai vécu le moment dans le fond avec mes parents puis avec ma famille, on était 25 là-bas, fait que c'était vraiment plaisant de voir tout le monde dans ma famille qui était là pour me supporter, puis écoute, comme je dis tout le temps là, c'est tellement travail d'équipe là, tout ça, puis tout ce qui m'est arrivé là, tout ce qui m'est arrivé en fin de semaine dans le fond, c'est un travail d'équipe, mes oncles, ma famille, mon agent André Ruel, Patrick Trisson, après ça il y a tellement des gens qui ont aidé mes parents qui m'ont aidé moi, après ça tu sais, Daniel Axel, ouais. La ville, Robert Val, tu sais, toutes ces personnes-là, ils m'ont très grandement aidé dans mon... OK, dernière question. 14 jeunes qui ont été repêchés avec Légion du Québec, comment on peut voir ça? Est-ce que c'est cyclique ou c'est vraiment un problème pour la Légion du Québec? Ou c'est cyclique? Ben, tu sais, écoute, je sais pas vraiment, là. Je sais pas dire grand-chose. Écoute, c'est pas nous qu'on contrôle pas ça. C'est vraiment les équipes de national, tu sais, qui repêchent les joueurs qu'ils veulent, puis s'ils repèchent ce joueur-là, c'est parce qu'ils en ont besoin et ils croient en lui. Fait que, c'est, je ne sais pas s'il y a des préjugés pour le Québec ou pas de même, mais en tout cas, c'est sûr qu'eux qui ont été draftés cette année, je pense qu'on pourrait à ces équipes-là ce qu'ils sont capables de faire. Puis peut-être que de plus en plus de Québécois qui vont performer, plus en plus qui vont repêcher. Okay. Ben, Samuel Girard, félicitations. On est bien fait que t'avoir, que tu as été repêché par les Prédateurs de Nashville. Le deuxième du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 10 ans. Philippe Paradis avait été repêché en 2009. Donc, bravo. Puis on s'en reparle à ton retour de Nashville. Samuel Girard, qui a été repêché en deuxième ronde par les Prédateurs de Nashville.